Fransız Lokantası. Le Bistro Français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrien Lisha ve Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bienvenue au bistrot français. Baylar, bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Venez-y, vous. Ça allait pour moi, monsieur Septime? Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Fausse tombe. Attention, vous, hein. Trois, quatre. Bonsoir. Pour cette première émission, toute l'équipe du Bistrot Français vous invite à découvrir ses coulisses. Des pianos, des fourneaux aux tables, voici comment s'élaborent nos recettes et comment s'écrit, ou plutôt s'invente, notre menu. Fransız lokantasının ilk yemeği öncesinde lokantanın ekibi olarak sizi mutfağa davet etmek istiyoruz. Fırından masalara tariflerin hazırlanışı, yazılışı, denenmesi, hepsinden önemlisi menünün nasıl oluşturulduğunu ilk programda sizlerle paylaşacağız. C'est une émission particulière, c'est une première. Une première qui est là pour vous ouvrir l'appétit, vous faire saliver et vous donner l'envie de vous installer deux mardis par mois à notre table. C'est une émission à la rencontre de notre célèbre brigade Stambouliot, une émission où l'on va cuisiner les chefs une fois n'est pas coutume. Bizim için bu program çok özel bir program çünkü Fransız lokantasının ilk günü, ilk yemeği, ilk programı. İştahınızı açmak, sohbette ağzınızı sulandırmak, iki haftada bir masalarınızda yerinizi almamız için ilk çalışmamız. İlk programda İstanbul'da bu programın hazırlanış mutfağına sizleri sokacağız. Masaya bu programın şeflerini oturtacağız. Bundan sonraki tüm programlarda şeflerin misafirleri olurken bugün ilk defa kuralları bozarak masaya kendimiz oturacağız. Comme dans tous les restaurants, l'équipe du bistrot français partage un repas avant le service et son fameux coup de feu. Ce repas de cuisine n'en sera pas moins élaboré et comme notre futur menu, nous allons mettre les assiettes dans les grands plats. L'entrée, le plat principal, le dessert et sans oublier le café et l'addition à la française, mais apporté par une turque, seront servis aux auditeurs de notre table des coulisses ce soir. Fransa'da tüm büyük lokantalarda olduğu gibi kapıları misafirlere açmadan önce yani bu programda mutfak ekibi olarak ilk yemeğimizi birlikte yiyoruz. Sizleri lokantanın mutfağına götüren bu sefer de bundan sonraki seferlerde olacak kadar keyifli bir sohbeti gerçekleştirmeye çalışacağız. 15 günde bir masanıza koyacağımız yemekte her Fransız lokantasında olduğu gibi önce bir entrée yani başlangıç yemeğini sizlerle paylaşacağız. Ardından ana yemek yani plat principal ve en son da benim tarafımdan yani bir Türkiye'li tarafından Fransız usulü kahve ve hesabı alacaksınız. Dans la grande tradition de l'entrée de bistrot à la française, cet après-midi, nous allons pas vous servir un œuf dur mayonnaise ou encore un autre macédoine, mais bien une chronique verte légèrement acide à la sauce vinaigrette. En effet, Adrien Lisha, le chef Adrien Lisha, notre marque Vera locale, passionné de plantes, de botanique et encore bien d'autres sujets, mais il saura encore mieux lui-même nous décortiquer sa chronique sans nous raconter trop de salades. Fransız bistrolarında başlangıç yemeği en eski yemek geleneklerinden bir tanesidir. Bu geleneğe saygımızdan size başlangıç olarak mayonezli yumurta veya Rus salatası gibi hafif bir şey servis etmeyeceğiz. Daha ziyade özenle hazırlanmış yeşilliklerden, çiçeklerden, şehirlerden, yolculuklardan, güzelliklerden oluşan bir salatayı üzerine hafif asitli bir sirkeyle beraber sizin önünüze sunmaya çalışacağız. Başlangıcı mutfaktaki şefi bitkiler, şehirler, espriler ve güzellikler için büyük hassaslık taşıyan mutfağımızın şefi Adrien Lisha bizimle ilk salatasını paylaşacak. Alors Adrien, pour reprendre une fameuse chronique de film français, chef, comment devient-on chef? Adrien, ünlü Fransız filmindeki sahneden başlarsak, şef nasıl şef olur? Bizimle paylaşsana. Eh oui, merci Stéphane, merci Gökşen. Effectivement, une petite rubrique botanique, urbanistique, gastronomique et toujours humoristique. Je vous propose une mise en bouche pour accompagner nos invités. Adrien'in dediğinden devam edersek, şefimiz bizlere botanik, şehircilik ama her botanik, şehircilik, güzellik ama her zaman hafif de espritüellik içeren kısa başlangıçlarını paylaşacak. Alors Adrien, peut-être que tu peux aussi nous donner une petite recette de ton parcours. Bize bir küçük tarifle başlasana, senin nereden geldiğine dair. Oui, je suis arrivé à Istanbul par amour. Je pense que pour beaucoup de Français, c'est le cas. Tout commence par une histoire d'amour. Şimdi bunu çevirmek benim için biraz ilginç çünkü ben Adrien'in eşiyim ama Adrien'in Fransa'ya geliş, pardon Türkiye'ye geliş sebebi aşktan. Oui, une histoire d'amour donc qui a commencé à Lyon et puis qui irrésistiblement m'a entraîné jusqu'à Istanbul. Donc de deux villes je suis parti et ça a constitué mon parcours puisqu'aujourd'hui je travaille avec les villes du Moyen-Orient. Et c'est avec grand plaisir que je vous présenterai cette rubrique. Biraz deneyimlerden başlayacak. Bu aslında aşk hikayesi Lyon'da başladı ve İstanbul'a kadar uzandı. Çeşitli illerde, çeşitli sebeplerle devam etti. Şimdi de ilginç bir şekilde Adrien'in Orta Doğu'daki şehirlerle ve belediyelerle birlikte çalışmasıyla devam ediyor. Dolayısıyla aslında burada anlatacağı hikayeler biraz kendi hayatından parçalar da içeriyor olacak. Yeşillik, şehircilikle ilgili olanlar. Alors cher Adrien, peut-être que tu nous parleras dans tes chroniques de Pernes-les-Fontaines, d'où tu viens en France, ou encore d'autres villages qui possèdent des spécialités et d'autres particularités que tu apprécies particulièrement. Alors pour conclure, je vais te demander effectivement de nous faire découvrir ta chanson culinaire aussi aujourd'hui pour cette rubrique. Önce Adrien diğer şehirlerden bahsetmeden önce herhalde ilk programda bize kendi köyün aslında hepimize durup durup dönüp dönüp anlattığın kendi köyün Pernes-les-Fontaines'den bahsederek başlarsın büyük ihtimalle ama onun öncesinde bugün hazır mutfaktayken senin mutfaktaki en sevdiğin şarkıyla başlayalım. Oui, alors dans ma cuisine aujourd'hui je vous apporte une chanson d'Annie Cordy. Ça parle de cinéma, de bonbons, de caramel et de chocolat. Un jour de la Martinique, nique, nique, tout pays. Une fille sympathique, tique, tique, vient ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas. Elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Sa démarche diabolique, lique, lique, brille les cœurs. Son petit accent typique, pique, pique, fit fureur. Si bien qu'à la fin de l'entracte, le public manifestait. Indifférent au spectacle, toute la salle en réclamait. Mademoiselle, bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Souriante et dynamique, nique, nique, c'est inouï. Les pouvoirs fantastiques, tic, tic, qu'elle se fit. La voilà propriétaire d'un magnifique cinéma. Pour faire marcher les affaires, tous les jours, elle remet ça. Demandez bonbon caramel, esquimau, chocolat, facilement. Bonbon caramel, esquimau, chocolat. Est authentique, tique, tique, voyez-vous. C'est un petit gars typique, pique, pique, voilà tout. car en tout état de cause, ici-bas pour aller loin, il ne faut pas faire grand-chose pourvu qu'on le fasse bien. Bonbon caramel, esquimau chocolat, bonbon caramel, esquimau chocolat. Evet, Annie Cordy'den Karamel Bonbon Şokola şarkısıydı. Adrien'in mutfak için seçtiği şarkı. Alors, après cette entrée tout en fraîcheur et cet intermède gourmand, nos apprentis sont là pour débarrasser la table de la cuisine et nous pouvons passer au plat principal. Ce plat principal sera cuit à point et goûtu. À notre table, vous pourrez chaque repas découvrir un nouvel invité issu du monde de la culture, des arts, de la pensée et bien d'autres domaines encore. Une sorte de crème de la crème à Istanbul. Evet, hafif bir başlangıçtan, Adrien'in sunduğu hafif başlangıçtan sonra masayı toparlayıp ana yemeğe doğru geçiyoruz. Ana yemeğimiz tam kıvamında ve lezzetli şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Her ana yemekte kültür, sanat, felsefe dünyasından ve diğer alanlardan misafirlerimiz olacak. Bu misafirlerimizin hepsini Fransızca söylersek crème de la crème'den seçeceğiz. Avant donc de vous faire découvrir de semaine en semaine ces plats exotiques de francophones turcs, de français turcophones ou de français de passage tout simplement à Istanbul, nous allons aujourd'hui se délecter de la suite de notre brigade de chefs et de chefs de salle. Her iki haftada bir Fransızca konuşan Türkiye'li konuklarımız ya da Türkçe konuşan Fransızca konuklarımız ya da tam bu esnada İstanbul'a gelmiş olan Fransızca konuklarımızla soframızda bir araya gelmeye çalışacağız. Bugün diğer misafirlerimizden önce ana yemekteki baş garsonumuz ve mutfaktaki şeflerimizle birlikte sohbete başlıyoruz. Soyons originaux et commençons cette semaine ce plat principal par la fin de notre repas avec le chef Gökşen. Pour une fois, la douloureuse, comme on dit en français, sera agréable et l'addition ne sera pas trop salée. Alors Gökşen, ce café et l'addition, quel est votre rapport à cette cuisine française et votre histoire avec la France? Biraz değişiklik olsun diye bu sefer yemeğe sondan başlıyoruz. Daha doğrusu hesabın ne kadar yüklü geleceğini anlamak için sondan başa doğru gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla doğrudan kahve ve hesap kısmına geçeceğiz. Kahve ve hesap kısmına salonun şef garsonu olarak ben programlarda size iletiyor olacağım. Dolayısıyla bu sefer size Fransa ile olan hikayemi ve bu mutfağa nasıl geldiğimi anlatacağım. Donc pour moi, je pense que quand je traduisais ma relation avec la France, comme Adrien a dit, j'ai dit ben, je suis sa femme. Donc c'est normal qu'en fait, on se retrouve ensemble dans cette cuisine parce que ce métier nous donne cette opportunité de s'inspirer, d'être ensemble dans la cuisine. Donc moi, j'ai étudié à l'université Galatasaray et j'ai appris le français à l'âge de 18-19. Et après, je suis partie en France pour faire mon master. Et donc, à Lyon, j'ai rencontré Adrien. Je suis rentrée après en Turquie pour continuer ma vie en Turquie. Et qui est à la suite, qui est suivie par la rentrée d'Adrien. Et après, on se retrouve mariés maintenant depuis 2 mois en Turquie dans la cuisine française. Donc. D'accord, donc c'est un repas familial. Oui, plutôt c'est un repas familial pour nous avec les amis qu'on prépare dans la cuisine. Şimdi kendi anlattığımı tekrar Türkçe'ye çevirmek gerekirse aslında yemeği az önce Adrien dediği gibi aslında yemeği ben Galatasaray'da okudum. Arkasından Fransa'ya yüksek lisansa gittim. Lyon'da Adrien'le tanıştıktan sonra benim İstanbul'a dönmem Adrien'in gelmesiyle aslında mutfağa ailecek giren bir ekip olduk biz. Dolayısıyla bizim için Fransız lokantası biraz hem ailede hem de arkadaşlarla beraber mutfakta hazırladığımız keyifli bir yemek. Alors pour conclure ta rubrique, alors tu peux peut-être nous décortiquer justement quel va être ton programme du café et l'addition pour les prochaines émissions. Oui, à mon expérience avec le chef serveur, en fait, généralement, ils sont assez méchants jusqu'à ce qu'on leur demande un café et l'addition. Donc, juste dans la dernière partie de notre repos, ils sont très gentils pour un peu pour plus de pourboire. Donc, je vais faire un peu la même chose. Je vais juste faire la traduction pendant tout le repas. Et à la fin, je vais essayer d'être le plus sympa du monde pour avoir un peu plus de pourboire avant de partir ici. Merci, Gökşen. On a hâte d'entendre ça. aslında Stefan bana bu benim bölümümün ne olacağını sordu programda. Genelde benim deneyimime göre Fransız lokantalarında genelde garsonlar, özellikle de şef garsonlar yemek boyunca olabildiğince aksi oluyorlar. Ama sadece hesabı ve kahveyi istediğiniz zaman ellerinden geldiğince sempatik olup daha fazla bahşiş için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla benim de programdaki rolüm aslında program boyunca tercüme yapıp olabildiğince aksi olup en sonda biraz daha buradan çıkmadan fazlaca bahşiş alabilmek için olabildiğince sempatik olmaya çalışmak. Alors maintenant on vous propose un petit interview de notre grand chef, celui qui nous a réunis aujourd'hui dans cette cuisine pour pouvoir vous préparer tous ces plats. Et Stéphane Riff, alors comment vous est venue cette idée d'organiser le bistrot français? Başlamadan önce aslında bütün yemeğin ana şefi olan Stéphane'e dönüp Stéphane'in bu mutfağı kurmak, daha doğrusu Bistro Fransa'yı burada başlatma fikrinin nasıl geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Mon histoire commence dans les cuisines. Je suis quasiment né dans les cuisines. Ma maman avait un restaurant. Pour moi, la cuisine, c'est le plaisir de manger et c'est le plaisir d'être rassemblé. Cette idée de partage et de passer des moments avec ses amis, pour moi, est quasiment toujours associée à cette idée de table. Et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à imaginer ce projet et échanger cette idée avec vous. Stéphane, aslında mutfakta doğmuş. Dolayısıyla annesinin bir lokantası var. Dolayısıyla mutfakta ve masaların arasında büyüdüm diyor. Dolayısıyla benim için bir Fransız lokantası ve masaların arasında olmak, aynı masayı paylaşmak, daha doğrusu bir sohbeti paylaşmak, arkadaşlarla birlikte bir araya gelmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu fikir de aslında hep beraber arkadaşlarla bir araya gelme fikrinin devamı olarak çıktı ortaya. Donc voilà, visiblement, vous êtes arrivé très naturellement dans les cuisines. Et ça nous explique pas mal de choses, mais comment est-ce que, Stéphane, tu es arrivé à Istanbul? Mutfağa nasıl geldiğini anladık ama İstanbul'a nasıl geldiğinden başlayalım. Ça c'est notre cuisine, c'est la cuisine de l'art. C'est l'envie de faire partager, un peu comme on a envie de faire partager des plats, mais là de faire découvrir des artistes français ou d'ailleurs sur la scène turque. Et j'ai décidé il y a 3 ans de venir m'installer en Turquie et de faire la promotion de l'art contemporain ici à Istanbul. Stéphane'in aslında yapmaya çalıştığı sofrada yemeği paylaşmakla aynı şey. O sanatı başka insanlarla paylaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bundan 3 yıl önce modern sanatı İstanbul'la paylaşmak için 3 yıl buraya İstanbul'a yerleşti. Alors merci Stéphane de bien vouloir partager avec nous cet amour de la cuisine et de l'art. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors je vous propose d'écouter un moment culinaire magique et que je trouve poétique, qui est la description de l'arrivée des aliments et quand ils commencent à cuisiner dans le film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe. Alors avec cet extrait qui est particulièrement beau. Il y a 3 arbres de laurier. Hein? C'est bien? C'est bon. Hein? Tiens, goûte ça, toi. Oui, merci. Tu veux du boudin? Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin? Viens. Bien sûr. Tu veux du boudin? Non, merci. Où il y a le fromage? Là. Tu veux pas de boudin? Non, merci. Personne ne veut mon boudin. Marcello! Tu veux du boudin? Marcello! Les amis te réclament. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Evet, Grand Bouffe filminden aslında kısa bir bölüm dinledik. Bu da Stéphane'in bugünkü masaya getirmeyi planladığı esas yemekti. Alors, comme vous le savez tous, et pour continuer cette émission, la France est aussi le pays des pâtisseries. Bien sûr que la Turquie a quelques douceurs dont les Français raffolent, baklava, sutlach, mastic, etc., etc. Mais cet après-midi, la chronique dessert, qui ne sera pas de la tarte, nous est servie par la chef Marie. Fransa'nın aynı zamanda bir pastaneler ülkesi olduğunu unutmamak lazım. Türkiye'deki baklavalar, sütlaç, sakızlı muhallebilerle karşılaştırılmaz olsa da bizim mutfaktaki tatlarımız Fransa'dan gelecekler. Şefimiz Marie bizimle ağızda güzel tatlar bırakacak, hikayelerini paylaşacak. Alors Marie, j'ai cru comprendre que ta rubrique sera un véritable millefeuille d'archives, une bibliothèque de livres de recettes, la cerise sur l'annuaire en somme. Marie, senin hikayelerinin daha ziyade ağızda güzel tatlar bırakacak millefeuiller olacağını duyduk. Millefeuille'in Fransızca'da bin yaprak demek olduğunu düşünürsek senin aslında kitaplar üzerine bolca konuşacağını anlayabilir miyiz? Oui, cette rubrique sera l'occasion de faire découvrir toutes les deux semaines à nos auditeurs un livre ou une bibliothèque, et souvent les deux, qui y renferment des trésors. Bu bölüm dinleyicilerimizin kütüphanedeki bir kitabı tanımalarına fırsat sunacak aslında. Les gens pensent souvent que les bibliothèques sont là pour consulter les livres récents et que les plus anciens sont réservés uniquement aux chercheurs. En vérité, beaucoup d'archives sont accessibles à tous. İnsanlar genelde kütüphanelere daha güncel olan kitapları takip etmek için ya da alıp okumak için giderler. Daha eski kitaplar daha ziyade sadece araştırmacılar tarafından açılır ve onlar araştırmacılar tarafından incelenir. Aslında birçok kitap herkesin erişimine açıktır. Je peux citer cet exemple d'une de mes connaissances françaises dont la famille avait vécu à Istanbul par le passé. Et j'ai pu l'orienter vers des annuaires anciens sur le quartier de Galata afin qu'elles retrouvent leurs traces. Je parlerai d'ailleurs de ces livres dans un prochain dessert du bistrot français. Fransızca olarak erişebildiğim bilgilere göre İstanbul'da yaşamış bir ailenin anılarını paylaşacağım örneğin. Yine eski kitaplardan bulunmuş, eski yıllıklardan erişilebildiği gibi Galata'da şu an yayın yaptığımız mahallenin de içinde olduğu semtin anılarına değineceğiz. Ama bu kitaplar gelecek bölümlerdeki tatlılarda yer alacaklar. Alors Marie, donne-nous ta recette et la recette de ton parcours. Marie şimdi bize aslında kendisinin kitaplardan konuşmayı iten hikayesini anlatacak. Après une école de reliure à Paris, qui s'appelle l'école Estienne et des études de restauration de livres et de papier à la Sorbonne, à Paris toujours, j'ai eu la chance de travailler à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque de l'Opéra Garnier à Paris, au Muséum d'histoire naturelle de New York. Puis mes pas m'ont amené à Istanbul, où j'ai fait un stage à l'atelier de la bibliothèque de Süleymaniye, avant d'ouvrir mon atelier de restauration ici et de travailler pour les musées et les bibliothèques d'Istanbul. Marie'nin aslında kendisini bu kitaplardan oluşan tatlı dünyasına iten hikayesi, Estienne okulunda kağıt eğitimi, ardından Sorbonne'da kitap ve kağıt restorasyonu eğitimi almasıyla başlıyor. Bunun ardından Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde, Opera Garnier Kütüphanesi'nde ve New York Natural History Museum'da çalıştı. Süleymaniye'ye yani İstanbul'a İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde staj yaptıktan sonra kitap ve kağıt restorasyonu yapmak için İstanbul'daki atölyesini açtı. Şu anda İstanbul'un çeşitli müze ve kütüphaneleriyle birlikte çalışıp o müze ve kütüphanelerdeki eski kitapların restorasyonunu yapıyor. Avant de vous dire adieu, comme disent les Suisses ou John Manson, et surtout, je l'espère, vous retrouver pour notre premier repas radiophonique mardi en novembre, où nous cuisinerons cette fois-ci un invité qui ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Je laisse le mot de la fin, avant une dernière chanson choisie par notre pâtissière, au chef du bistrot français, Adrien, Göchen et Marie. Merci et à la semaine prochaine. Bon appétit. On vous laisse avec une salade de fruits servie par Bourville. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère.